إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 20 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara, le Kitab wa Sunnah, la réalité de Al-Wala wal Bara, l'amour et la haine en Allah, l'allégeance et le désaveu dans le Coran et dans la Sunnah. Et on est arrivé au principe dans l'explication du point numéro 6, parmi les 14 principes qui sont mentionnés au point numéro 6, on est arrivé au point ou au principe 6 dans la liste des 14 points pour réfuter les takfiriyin et leurs shubuhat. Et le point numéro 6, eh bien, ou ce principe-là qui est le principe numéro 6, c'est à propos des alliances qu'on peut faire avec les kuffars, et aussi le fait qu'on peut même parfois, dans des situations, quand ça amène un bienfait pour l'islam et pour les musulmans, on peut même demander de se mettre sous la protection des kuffars, lorsque c'est quelque chose qui est nécessaire, ou prendre l'aide des kuffars lorsque c'est nécessaire. Et on a mentionné des exemples de ça dans le cours précédent. Et là, on continue donc avec un deuxième exemple. On a donné le premier exemple, c'était à propos de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Mecca et qu'il a pris l'aide de son oncle qui était mushrik, Abu Talib. Et comment son oncle Abu Talib l'a défendu et l'a protégé durant les premières années de sa da'wa sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ensuite, maintenant les exemples de la protection que Al-Mut'im ibn Adi a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Donc le cheikh il mentionne, il dit وَحِمَايَةُ الْمُطْعِمِ ابْنُ عَدِيٍّ رُوِيَ أَوْ رَوَى الْبُخَارِي عَنْ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة أو النتنة لتركتهم له. Ça s'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, Kitab Fard al-Khumus. Donc il explique ici dans ce hadith, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté selon Jubair ibn Mut'im, radiallahu anhu, qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des prisonniers de Badr, les prisonniers parmi les mushrikins qui avaient été pris à la bataille de Badr, il a dit si al-Mut'im ibn Adi était vivant, puis qu'il m'avait demandé de lui donner ces prisonniers-là, de lui rendre ces prisonniers-là, je lui aurais remis. Hein? Et il dit ensuite, il dit, قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد كانت يد المطعم ابن عدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه في شأن الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم وبني المطلب وهو أيضا أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف أجاره ومن معه يومئذ وخبره بكماله في بكماله في المغازي والسير. انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr, il dit dans son livre At-Tamhid, le volume 3 à la page 117, que يعني Al-Mut'im Ibn Adi, il avait une main auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si Al-Mut'im Ibn Adi, il avait une faveur auprès du messager d'Allah, du fait que c'est lui qui avait qui était intervenu au sujet du décret qui avait été écrit par Quraysh contre Bani Hashim et Bani Al-Muttalib durant la période d'embargo qu'ils ont fait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien lorsqu'ils ont décidé de le couper et de ne plus lui vendre rien, de ne plus avoir aucune interaction avec lui. Donc c'est lui qui est intervenu dans cette affaire-là. Et également, c'est lui qui avait donné la protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est revenu de Taif. Il était parti pour inviter Saqif, la tribu de Saqif qui vivait à Taif, pour les appeler à l'islam. Il a donné protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse rentrer à Mecca, lui ainsi que celui qui était avec lui. Khabaru bi kamalihi. Donc c'est ça, des informations au sujet de ses comportements ou de sa perfection, comment il était dans les batailles et les et dans les expéditions militaires ou des choses comme ça. Donc, intaha kalamuhu rahimahullah. Ça, c'est la fin de la citation en question. Ensuite, il dit, wa qala ibn al-Qayyim, fi zad al-ma'ad, dukhuluhu, sallallahu alayhi wa sallam, Mecca, bi jiwari al-mut'im, thumma intaha ila Mecca, fa arsala rajulan min khuza'a ila mut'im ibn Adi, adkhul bi jiwarik, fa qala na'am, wa da'a banihi, wa qawmihi. فقال ألبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته انتهى كلامه رحمه الله. Donc il mentionne ici, il dit que Ibn al-Qayyim il rapporte dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, la page 33, l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca sous la protection de Al-Mut'im. Il dit puis ensuite, yani, lorsqu'il est arrivé près de Mecca, il a envoyé un homme de Khuza'a vers Mut'im ibn Adi. Et il lui a dit, est-ce que je peux rentrer sous ta protection? Est-ce que je peux rentrer à Mecca sous ta protection? Et Mut'im a dit oui. Alors, Mut'im ibn Adi a appelé ses fils et il a dit à ses fils, portez vos armes et rejoignez-moi dans les coins de la Kaaba. vers la Kaaba. Donc, ils se sont rejoints là-bas. Il dit, parce que j'ai donné la protection à Muhammad, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Zayd ibn Haritha, qui était avec lui, sont rentrés jusqu'à Al-Masjid al-Haram, et Al-Mut'im ibn Adi était sur sa monture, et il a appelé en disant, « Ô assemblée de Quraysh, j'ai donné ma protection à Muhammad, alors que personne d'entre vous ne lui porte atteinte. » Et donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré, et il a salué, il a salué le Rukn, le coin de la Kaaba, et il a prié deux rak'ah, puis il est rentré dans sa maison, et pendant tout ce temps, Al-Mut'im ibn Adi et son fils étaient là avec leurs armes jusqu'à ce que il rentre dans sa maison, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans sa maison. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz, il mentionne dans Majmou' al-Fatawa wa Maqalat, Cheikh Ibn Baz, il dit « وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنْ رَدَّ الْعَدُوِّ الْغَاشِمِ حِمَايَةً لِلْبَلَدِ مِنَ الشَّرِ إِذَا كَانَتِ الْقُوَّةِ الْمُسْلِمَةِ لَا تَكْفِي لِرَدْعِهِ جَازَ الْاِسْتِعَانَةُ بِمَنْ يُظَنُّ فِيهِمْ أنهم يعينون ويساعدون على كف شره وردع عدوانه سواء كان المستعان به يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك إذا رأت الدولة الإسلامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان العدو المشترك وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا في مكة استعان بمطعم ابن عدي لما رجع من الطائف وخاف من أهل مكة بعد موت عمه أبي طالب فاستجار بغيره فلم يستجيبوا فاستجار بالمطعم وهو من كبارهم في الكفر وحماه لما دعت الضرورة إلى ذلك وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على المشركين في منازلهم في منى يطلب منهم أن يجيروه حتى يبلغ الرسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم انتهى كلامه رحمه الله. Donc Cheikh Ibn Baz, il dit dans Majmou' al-Fatawa wa Maqalat, le volume 6 à la page 109, lorsqu'il parle du fait de repousser un ennemi qui attaque pour protéger le pays d'un mal quelconque. Et donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, si la puissance ou la force des musulmans n'est pas suffisante pour repousser l'ennemi, dans ce cas-là, il est permis de chercher l'aide de celui en qui on pense qu'il pourra nous aider à repousser et à faire cesser le mal de cet ennemi. Qui transgresse contre nous. Peu importe que la personne à qui on demande cette aide, ou que les gens à qui on demande cette aide, soient juifs, ou chrétiens, ou idolâtres, ou autres. Si l'État islamique, ou l'État musulman, si l'État musulman considère que ces gens-là peuvent aider à repousser l'ennemi commun, Et cette chose-là s'est produite de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à Mecca, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'aide de Mut'im ibn Adi, lorsqu'il est revenu de Ta'if, et il craignait de la part des gens de Mecca, après la mort de son oncle Abu Talib. Alors, il a demandé à plusieurs personnes de lui donner protection en dehors de Mut'im ibn Adi. Il a demandé la protection de plusieurs personnes, mais personne n'a voulu lui donner la protection. Alors, il a demandé la protection de Al-Mut'im ibn Adi, qui faisait partie d'un des grands, des têtes, des gens les plus importants parmi les koufars à l'époque. Donc, une des personnes les plus connues, les plus importantes dans le Kouf. Et c'est celui-là qui l'a protégé, qui lui a donné sa protection. Et donc, le cheikh, il dit, étant donné que ça s'était devenu une nécessité, donc, il a pris la protection de ce kafir, de ce mushrik. Et on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se présentait lui-même aux différentes tribus, aux différentes personnes parmi les mushrikines qui s'installaient à Mina à chaque année lorsqu'il y avait le Hajj, et il leur demandait s'ils étaient prêts à le protéger et à lui donner la protection pendant que lui transmettait le message de son Seigneur. Et il faisait ça en leur demandant à eux, qui étaient des mushrikines, malgré les différentes formes de kufr qu'ils avaient. Hein? Et ça, c'est la fin de la citation en question. Ensuite, donc, il y a un autre exemple de ce genre de situation-là. C'est Dukhul Abi Bakr, radiallahu anhu, fi jiwari wa himayati rajulin kafir. Le fait que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, est rentré sous la protection également d'un homme kafir aussi. Faqad rawa al-Bukhari fi bab jiwaru Abi Bakr. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي فقال ابن دغنة إن مثلك لا يخرج ولا إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك في ببلادك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فانفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر. Donc le cheikh il mentionne donc cet exemple là aussi, qui est un exemple de ça, du fait que Al-Bukhari il rapporte dans son sahih la protection que Ibn Darina a donné à Abu Bakr à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha, elle rapporte cette histoire. Et elle mentionne que Abu Bakr radiallahu anhu est sorti pour faire la hijra vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie ou l'Éthiopie. Et il est arrivé à un endroit qui s'appelle Bark al-Rimad. Et c'est là qu'il a rencontré Ibn Darina, qui était le chef de cette région. Alors, il lui a dit, où est-ce que tu veux aller, ô Abu Bakr? Alors, Abu Bakr lui a répondu que son peuple avait chassé. Il dit, mon peuple m'a expulsé et je veux donc aller sur la terre et adorer mon Seigneur. Alors, Ibn Darina a dit, quelqu'un comme toi, il ne sort pas et on ne le fait pas sortir, c'est-à-dire, Il ne sort pas de sa ville ou de son pays et on ne l'expulse pas parce que il a commencé à énumérer différentes qualités que Abu Bakr possédait en disant que la personne qui est dépossédée qui n'a plus rien, eh bien tu lui donnes Yani, tu gardes les liens de parenté, yani, tu es généreux envers ton invité et tu aides à défendre la vérité, et ainsi de suite. Donc, il a dit, moi, je te donne ma protection. Retourne, hein, et adore ton Seigneur, hein, dans ton pays ou dans ta ville. Alors, Ibn Darina, il est retourné avec Abu Bakr jusqu'à Mecca. Et lorsqu'il est rentré à Mecca, il a fait le tawaf, hein, devant les gens nobles de Mecca, parmi les gens nobles de Quraysh, et il leur a dit, Abu Bakr, on n'expulse pas quelqu'un comme lui, et il ne sort pas de son pays. Est-ce que vous voulez faire sortir un homme, hein, qui nourrit les pauvres, qui garde les liens de parenté, qui est généreux envers envers ses invités, qui aide à établir la vérité, des choses comme ça. Il a énuméré toutes les différentes qualités qu'il avait. Et donc, il a énuméré ça pour leur faire comprendre que ils n'avaient pas le droit de l'expulser. Et donc, Quraysh a exécuté la protection que Ibn Darina a offerte à Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et ils ont donné la sécurité à Abu Bakr. Et ils ne lui ont pas porté atteinte à cause de ça. Donc, à l'époque, c'était comme ça. Hein? Quelqu'un, lorsqu'il voulait entrer quelque part où il voulait être en sécurité, il devait avoir la protection d'un groupe ou de personnes. Hein? Parce que c'était, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, ça, c'est des exemples. Et il dit, وَدَخَلَ فِي حِلَفِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حِلْفِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْمُشْرِكِينَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي سِيرَةِ ابْنِ هِشَامَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانِ ابْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَائِنَا فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان فيما شرطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط لهم أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهد صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده Donc le cheikh il explique que le prophète un autre exemple d'alliance qui s'est produite à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم avait fait une alliance avec certains d'entre les mouchriquins à son époque. Et ça a été rapporté par Ibn Ishaq dans Sirat Ibn Hisham. Et il mentionne que lorsqu'ils ont fait l'accord de Al-Hudaybiyah entre les Quraysh et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les conditions que Quraysh ont établies et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris avec eux, c'est que celui qui désirait entrer dans l'entente du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans son contrat ou dans son pacte avec lui, il pouvait entrer et que quiconque désirait rentrer dans l'alliance avec Quraysh et dans leur entente, il pouvait rentrer avec eux. C'est-à-dire chacun pouvait choisir avec qui il voulait s'allier. Et donc à Banu Bakr, ils sont rentrés avec Quraysh dans leur alliance et Khuza'a est rentré avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans son contrat. Alors que Khuza'a, c'était des mushrikins, c'était des kuffars. Donc, le cheikh, il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il a énuméré les points à tirer dans cet exemple-là, dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, page 370. Il dit, استنبط ابن القيم من كون النبي صلى الله عليه وسلم نقض عهد قريش بسبب قتلهم لخزاعة مع كفرهم حكما، فقال فيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. Donc, le cheikh explique que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que le pacte qu'il avait avec Quraysh avait été brisé à cause du fait que Quraysh ont combattu Khuza'a. Hein, ils ont attaqué Khuza'a. Malgré que Khuza'a c'était des koufars, hein, mais étant donné qu'ils étaient dans l'alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, eh bien, ils rentraient dans son autorité. Ils étaient comme sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc, le cheikh, il dit que les gens qui sont dans cette entente-là, ou dans ce pacte, s'ils attaquent quelqu'un qui fait, ou s'ils font la guerre à quelqu'un qui fait partie du pacte ou de l'entente ou du serment qui a été donné au dirigeant ou à l'imam et à ceux qui sont avec lui dans son alliance, alors c'est comme s'ils avaient déclaré la guerre à l'imam lui-même. Hein? Donc du fait que tu attaques un allié, c'est comme si tu attaquais le dirigeant lui-même. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'alliance, il n'y avait plus d'entente de paix. À partir du moment qu'ils ont attaqué Khuza'a, il n'y avait plus d'entente de paix entre Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à cause de ça, il avait le droit de venir dans leur demeure et de les attaquer par surprise, sans même leur annoncer et sans leur dire qu'il allait les attaquer ou qu'il allait briser l'entente à l'avance. Hein? Il dit parce que le fait de leur annoncer qu'il va briser l'entente, ça c'est uniquement lorsque tu crains d'eux ou que tu crains de leur part une trahison. Hein? Donc tu leur annonces à l'avance. Mais sinon, c'est ça. S'ils attaquent tes alliés, eh bien, c'est comme s'ils avaient rejeté leur alliance et leur entente. Et c'est ça ce qui est arrivé, en fait, à l'époque, hein, lorsqu'ils ont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'entente d'Al-Hudaybiyah avec Quraysh, et Quraysh a brisé son entente avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'il y a eu la conquête de la Mecque, puisque Quraysh a brisé son entente. Comment ils ont brisé leur entente? C'est pas parce qu'ils ont attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, mais c'est parce qu'ils ont fait la guerre, ils ont attaqué la tribu de Khuza'a. Et la tribu de Khuza'a, c'était pas des musulmans, mais étant donné qu'ils étaient les alliés des musulmans à l'époque, donc le fait de les attaquer, c'était comme s'ils attaquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et donc, ça prouve que c'est permis qu'il y ait des alliances de ce genre entre les musulmans et entre les mouchriquines. Hein, ça, c'est un exemple de ce qui s'était passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre citation qui est mentionnée ici, « وقال الشيخ محمد رضا, محمد رشيد رضا, في تفسير المنار, يزعم الذين يقولون في الدين بغير علم ويفسرون القرآن بالهوى في الرأي أن آية آل عمران وما في معناها من النهي العام والخاص كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يحالفوا أو يتفق مع غيرهم، وإن كان الخلاف أو الاتفاق لمصلحتهم. وفاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محالفا لخزاعة وهم على شركهم. انتهى كلامه. Donc on sait que Mohamed Rachid Reza, il y a des paroles qui ont été mentionnées à son sujet de la part des ulama, du fait qu'il avait plusieurs problèmes dans son manhaj, hein, et beaucoup de problèmes aussi par rapport à sa religion. Sauf que ici, c'est juste pour montrer un point que le cheikh l'a cité, et ce point-là, c'est un point qui est vrai et qui est supporté par les preuves du Coran et de la Sunna. Donc c'est pas le fait de se référer à ça, c'est pas un problème ici. Hein? Il mentionne ici dans Tafsir al-Manar, le volume 3, à la page 420, il dit certaines personnes, parmi ceux qui parlent de la religion sans connaissance et qui interprètent le Coran selon leur passion et selon leur opinion personnelle, sans preuve, que le verset dans Surat Al-Imran et les autres versets qui sont dans la même signification, que ce soit plus général ou plus spécifique, comme par exemple le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés », il pense que ça veut dire qu'il n'est pas permis aux musulmans de faire des alliances et de faire des accords avec autres que les musulmans, même si cette alliance ou cet accord est dans leur intérêt et pour leur bien à eux, c'est-à-dire le bien des musulmans. Et ils ont oublié ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait fait une alliance militaire, il avait fait une alliance militaire avec Khuza'a, alors qu'ils étaient des mouchriquines. Et cette alliance, ça impliquait que si les musulmans étaient attaqués par les gens de Quraysh, que Khuza'a, qui sont des mouchriquines, devait défendre les musulmans. Et que si Khuza'a était attaqué par Quraysh, que les musulmans devaient aller défendre Khuza'a, qui sont des mouchriquines. Donc c'est un exemple d'alliance. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été fait, et ça s'est permis dans l'islam, parce qu'il y avait un bienfait pour les musulmans dans ça. Ensuite, le cheikh, il mentionne, il dit, « Wa qala samahatu al-shaykh Abdul Aziz ibn Baz fi majmou' fatawa wa maqalat » le volume 6 à la page 186, « Wa huwa yatahaddath an jawazi muhalafati al-kafara » للدفاع عن بلاد عن البلاد وحرمات المسلمين، أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد أو يغشى عدوانه فهذا لا بأس به. وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله لكفار قريش يوم الفتح. انتهى كلامه. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici le Cheikh Ibn Baz dans Majmou' al-Fatawa wa Maqalat, volume 6, page 186, il parle du fait qu'il est permis pour les musulmans de faire des alliances avec les kuffars dans le but de défendre les pays musulmans et de défendre qu'est-ce qui est sacré, les choses sacrées que possèdent les musulmans, leur vie, leurs biens et leur terre, et ainsi de suite. Il dit la parole suivante, en ce qui concerne le fait que le musulman prenne l'aide du kafir, pour repousser le mal d'un autre kafir, ou pour repousser le mal d'un musulman transgresseur, ou de quelqu'un dont on craint la transgression, ça, il n'y a aucun problème à le faire. Il n'y a aucun mal à le faire. Et il dit, comme exemple, que Khuza'a, la tribu de Khuza'a, qui était composée de kuffars et de musulmans à l'époque, ils étaient alliés avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leur combat contre Quraysh le jour de la conquête de la Mecque. Donc ça, c'est Fin de la citation. Donc ça, c'est l'exemple de l'alliance qu'il y avait entre les musulmans et les mouchriquins à ce moment-là. Donc ça, ça vient réfuter et répondre à tous ceux qui parlent contre le fait que certains musulmans ont demandé l'aide des koufars et qu'ils ont été alliés militairement même avec des koufars ou des mouchriquins et qui prétendent que ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec Al-Wala ou Al-Bara ou que c'est quelque chose qui est kouf ou des choses comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait ça. Et donc ça prouve que c'est permis. Et ensuite, le point numéro 5, c'est une autre preuve à ce sujet-là, qui est un hadith, vous allez voir, qui est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et Ahmed également, avec une chaîne de transmission qui est authentique. Le cheikh dit, « Rawa Abu Daoud, fi bab, fi sulh al-adou, wa Ibn Majah wa Ahmed bi isnad sahih, an zi mikhbar, عن ذي مخبر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا أمينا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي طلول بمرج ذي طلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تخدر الروم وتجمع للملحمة أي نعم. Donc ce hadith est une preuve de du fait qu'il est permis pour les musulmans qu'il y ait des alliances entre eux et les koufars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith-là, qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah et Ahmed, avec une chaîne de transmission qui est authentique, selon Zi Makhbar, il dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, vous allez faire des alliances ou des ententes avec Ar-Rum. Et Rome en général, c'est Rome à l'époque, mais ça peut être considéré comme l'Europe, la région de la Rome et toute cette région-là, tout ce qui était Rome à l'époque et qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Wallahu a'lam. Donc il dit ici, vous allez faire une entente avec avec Rome et ça va être une entente de sécurité, vous allez combattre ensemble un ennemi commun que vous avez qui est derrière vous. Et vous allez avoir la victoire sur cet ennemi-là et vous allez avoir les butins de cette bataille et vous allez donc être en sécurité et vous allez retourner ensemble jusqu'à ce que vous arriviez à un endroit qui s'appelle c'est un endroit qui s'appelle Zi Touloul. C'est une prairie qu'on appelle Zi Touloul. Et il y a un homme parmi les chrétiens qui va relever la croix. Alors, il va dire, la croix a eu le dessus. Et un homme parmi les musulmans va se mettre en colère lorsqu'il va entendre ça. Et il va casser la croix. Il va briser la croix. Alors, à partir de ce moment-là, Ar-Rum va trahir son entente de paix et ils vont se réunir pour commencer la guerre contre les musulmans. Donc ça c'est rapporté dans Abu Daoud, Ahmad et Ibn Majah. Dans Aoun al-Ma'boud, l'explication de Sunan Abi Daoud, le volume 11 à la page 268, il dit مبين المعنى عدو من ورائكم et il explique aussi les paroles de un des ulama de hadith As-Sindi qui mentionne dans son commentaire de Ibn Majah aussi اي عدو اخرين بالمشاركه والاجتماع بسبب الصلح الذي بينكم وبينهم، أو أنتم تغزون عدوكم وهم يغزون عدوهم بالانفراد. انتهى. قلت الاحتمال الأول هو الظاهر. Donc il explique يعني dans عون المعبود il cite السندي qui mentionne dans son commentaire de Ibn Majah, il dit, quand il parle d'un ennemi qui sera derrière vous, c'est-à-dire d'autres ennemis que vous allez avoir qui sont communs, et vous allez être réunis hein, à cause d'une entente pour les combattre, vous et eux. Ou bien, une autre explication, c'est que vous allez combattre un ennemi à vous, et eux vont combattre un ennemi à eux individuellement. Et ça, c'est la fin de la citation. Puis, il dit, le cheikh qui explique ce hadith-là dans Aoun al-Ma'boud, il dit, la première explication, c'est elle qui est la plus apparente. Donc, ça, c'est la fin de la citation. Ensuite, il dit, « قال سماحة الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات » il dit, « وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تصالحون الروم صلحا أمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم. Donc, Cheikh Ibn Baz dit qu'il a été rapporté authentiquement du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a dit, vous allez faire une entente de paix avec les Romains et vous allez avoir avec eux une alliance, hein, vous allez combattre, vous ainsi que eux, un ennemi qui sera de part derrière vous. Et la signification de cela, c'est le fait de prendre de l'aide de ces gens-là, hein, de ces koufars, pour combattre un ennemi qui sera derrière vous. Le cheikh, il dit que ça veut dire que de défendre les musulmans ou de défendre les pays musulmans, c'est permis que ce soit avec une force musulmane et avec l'aide des chrétiens ou d'autres que les chrétiens par les armes ou par une armée qui aide les musulmans contre un ennemi transgresseur qui veulent transgresser contre eux, pour protéger leur pays contre le mal de ces ennemis-là et contre leurs ruses. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Na'am. Donc ça, c'est un autre argument en faveur de ce point-là. Et ensuite, il y a le point numéro 6 qui est mentionné. Mouada'atu Nabi sallallahu alayhi wa sallam يهود المدينة لما هاجر على أن عليهم النصرة والنفقة إذا حارب وأن لهم النصر والأسوة غير مظلومين كما ذكر أصحاب السيرة وهذا مجمع عليه عند أهل العلم وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في الضابط التالي وعند الدليل السابع. Donc, le cheikh, il dit qu'il y a également une autre preuve hein, du fait qu'il est permis d'avoir des alliances avec les koufars. C'est l'exemple de l'entente du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait pris avec les juifs de Médine lorsqu'il a fait la hijra. Et il leur a dit qu'ils devaient venir en aide aux musulmans et leur fournir il devait dépenser pour les musulmans lorsqu'il allait en guerre. Et qu'il devait également, et qu'il allait les défendre et qu'il allait agir correctement avec eux sans leur faire d'injustice, comme c'est rapporté dans par les savants de l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une chose au sujet de laquelle tous les hommes de science sont d'accord. Ils sont tous en accord là-dessus. Et on va mentionner à ce sujet-là plus de détails dans le principe suivant, lorsqu'on mentionnera la preuve numéro 7. Lorsqu'on va mentionner la preuve numéro 7 dans le principe suivant, c'est-à-dire dans le prochain principe. Donc ça, c'est qu'est-ce qui vient compléter le principe numéro 6 parmi les 14 points, les 14 principes. Maintenant, on va commencer à expliquer le principe numéro 7. Maintenant, on va expliquer le principe numéro 7. Le cheikh, il dit « الضابط السابع وهو متفرع عن الضابط السابق نفرده لأهميته في بيان أن الاستعانة بالكفار لمصلحة حماية بيضة الإسلام والمسلمين جائز شرعا بل قد يكون واجبا إذا لم يتم ذلك إلا به وهذا الموضوع هو من مسائل السياسات الشرعية الدقيقة المنوطة بولاة الأمور وأهل الرسوخ من العلماء وقد لا تخضع وقد لا تخضع هذه المسألة لمجرد ظواهر بعض النصوص المحتملة المحتملة التي تختلف الناس في دلالتها بل تخضع لقواعد الدين الكلية ومقاصده التي لا يمكن أن تتبدل أو تتغير أو يختلف عليها كالقاعدة الكلية المجمع عليها أن تدرى أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما ولذا تجد أن العلماء يذكرون هذه المسألة في أبواب الفقه لا في أبواب الاعتقاد وحتى من اختار من العلماء عدم الاستعانة بالكفار لم يصم القائلين بها بموالاة الكفار أو بالتهوين من شأنها. Donc le cheikh il explique ici dans l'introduction de ce principe numéro 7 et comme j'ai expliqué au dernier cours que c'était un principe qui est assez élaboré en détail et qui est vraiment abordé en détail parce que on a expliqué que ce principe numéro 7 il couvrait un bon nombre de pages juste pour vous dire par exemple il commence à la page 143 et il termine à la page 206. Donc, l'introduction ici est très intéressante et très importante. Ça nous met dans le contexte et dans la situation pour comprendre la question correctement. Et en même temps, pour répondre à certaines ambiguïtés qui sont parfois faites par les gens de bid'a parmi les khawarij, les takfiriyin, les kutbiyin, les sururiya et d'autres parmi ces catégories comme les frères musulmans, les ikhwan al-muslimoun. Donc c'est ces groupes-là qui jouent avec ces événements qui sont produits parfois dans certains pays musulmans. Ils jouent avec les situations politiques pour essayer de s'attaquer à la voix des salafs et au manhaj des salafs par rapport à ces situations-là et de s'attaquer aux ulama de Ahl-Sunna qui ont pris certaines positions dans les fatwas qui ont rapport à ces questions-là. Donc on va lire ensemble cette introduction comme je viens juste de la lire. Maintenant on va la traduire en français. Le cheikh il dit que le point qu'on va lire maintenant, le point numéro 7, le principe numéro 7, il est relié ou bien il découle du principe précédent ou du point précédent. Et le cheikh, il mentionne qu'il l'a mis dans un point séparé, à lui tout seul, à cause de son importance. Donc, pour que ce soit plus clair. Et le point de ce principe-là ici, c'est d'expliquer et de mentionner qu'il est permis, selon la charia, pour les musulmans, lorsqu'il y a un bienfait pour les musulmans, pour protéger l'islam et les musulmans, de prendre l'aide des koufars. Hein? Il est permis dans la charia de prendre l'aide des koufars quand c'est pour défendre l'islam et les musulmans. Et non seulement que c'est permis, mais que le cheikh dit mais que c'est parfois même obligatoire lorsque il n'est pas possible de le faire correctement ou complètement d'une autre façon. Et il dit que ce sujet-là, ça fait partie des questions de décisions politiques qui font partie de la politique islamique, la politique qui est en accord avec la charia, qui fait partie des questions très subtiles et très détaillées qui sont limitées ou qui sont réservées aux dirigeants et aux hommes de science qui sont fermement enracinés dans la science. C'est à eux que reviennent les décisions dans ces questions-là. Et que cette question-là ne se soumet pas seulement ou uniquement à des textes dont on pourrait diverger au sujet de leur signification apparente, qui peuvent impliquer une signification ou une autre, et au sujet desquels les gens pourraient diverger dans leur signification, mais plutôt ces textes-là sont basés et sont soumis, plutôt ces questions-là sont soumis à des règles fondamentales de la religion et des règles générales et complètes de la religion et des intérêts et des objectifs de la religion qui ne peuvent pas changer, qui ne peuvent pas dévier ou au sujet desquels on ne peut pas diverger. Ce sont des règles entières, des règles générales de la religion sur lesquelles tous les savants sont d'accord à travers l'histoire de l'islam. Et parmi ces règles-là, il y a la règle suivante. أن تدرى الأعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما. C'est-à-dire que on doit repousser quand on a le choix entre, quand on est pris entre deux choix, puis que les deux choix sont des choix qui sont mauvais, c'est-à-dire on est pris entre deux options, les deux options sont mauvaises, il faut repousser la plus mauvaise des deux et prendre la moindre. On repousse la moindre des deux et on prend la moindre des deux. D'accord? Donc, supposons par exemple, pour mettre dans le contexte, que si on est pris entre deux choix, soit on doit prendre l'aide des koufars pour défendre les musulmans et les pays musulmans, ou bien subir la transgression d'un ennemi qui risque de faire encore plus de tort et plus de mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, ça c'est soumis à ce genre de règles. Et ça, ces règles-là et ces principes-là sont les règles qui sont, qu'est-ce qu'on appelle, les qawa'id, al-qawa'id, al-qawa'id, al-kulliya, les dîn. C'est des règles générales de la religion qui sont supportées par des centaines de textes et des preuves du Coran et de la Sunna. Et c'est pour ça que ces règles-là, elles sont au-dessus des preuves individuelles qui peuvent être amenées sur des différentes questions, parce que ces preuves individuelles-là peuvent être parfois interprétées différemment, d'un savant à un autre, et comprises différemment. Tandis que ces principes-là sont supportés par des grandes quantités de textes, à un tel point que elles deviennent comme des règles, et des supports, et des principes pour établir des jugements dans la charia. Donc, certaines de ces règles-là, certaines règles, par exemple, peut-être que certaines règles, il y a divergence entre les savants sur certaines règles par rapport à la religion, mais par contre, il y a des règles de base, ces règles-là, tous les savants sont d'accord sur ces règles-là, et la suivante, celle qu'on a mentionnée, ça, c'est une des règles au sujet desquelles les savants, ils sont d'accord. Et il dit que, et ça c'est un autre point très important, il dit que au sujet de cette question, du fait de prendre l'aide des koufars pour défendre les musulmans, il dit que au sujet de cette question, les savants ils ont classé cette question-là dans livres de fiqh et dans les chapitres qui parlent des questions qui ont rapport avec les règles dans le fiqh, c'est-à-dire l'application des règles islamiques. Ils n'en ont pas traité dans les livres de Aqidah, dans les chapitres qui parlent de Aqidah. Et même les savants qui ont préféré prendre la position de dire qu'on ne peut pas ou on ne doit pas prendre l'aide des koufars pour défendre les musulmans, hein, même ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette position-là, ils n'ont pas classifié ceux qui disaient que c'était permis comme étant des gens qui prennent pour alliés les koufars ou qui négligent l'importance de Al-Wala ou Al-Bara. Hein. Donc, pour les savants de l'islam, la question de prendre l'aide des koufars ou non dans la défense des musulmans, ça ne rentre même pas dans la question de Al-Wala ou Al-Bara pour eux. C'est quelque chose qui fait partie du fiqh et de l'ijtihad entre les ulama. Et la preuve de ça, hein, et pour répondre à une choubha qui est souvent rapportée par les hizbiyins, justement, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la guerre du Golfe, par exemple. Lorsque, par exemple, à l'époque, Cheikh Ibn Baz avait donné sa fatwa pour dire que c'était permis, hein, et il considérait que c'était permis et que c'était une nécessité, ça, c'était un ijtihad qu'il a fait. Hein, et Cheikh Al-Albani avait fait une autre fatwa, lui, et il considérait que c'était pas permis et que les musulmans devaient pas prendre l'aide des koufars dans cette situation-là. Mais est-ce que Cheikh Ibn Baz, Al-Albani a dit à propos de Cheikh Ibn Baz que Cheikh Ibn Baz, il était kafir ou que Cheikh Ibn Baz avait pas respecté Al-Wala ou Al-Bara et qu'il avait pris les koufars pour alliés? Est-ce que vous avez entendu ce genre de propos, hein, de la part de Cheikh Al-Albani au sujet de Cheikh Ibn Baz? Jamais de la vie. Bien au contraire. Hein, Cheikh Ibn Baz, il a eu une ijtihad différente de celle de Cheikh Al-Albani, et Cheikh Al-Albani, il a eu une ijtihad différente de celui de Cheikh Ibn Baz, mais malgré tout, les deux se sont respectés mutuellement, et les deux ont yani, compris l'ijtihad de l'autre, hein, et même si chacun considérait que l'autre avait tort dans son ijtihad, mais toujours dans le respect, parce que ce ne sont pas de n'importe qui, ce ne sont pas n'importe qui ces gens-là, ce sont des imams, ce sont des savants de l'islam, des grands mujtahidines dans la religion. Donc, ils prennent des décisions, pas selon leur passion, pas selon leur désir, ils prennent des décisions dans la religion, selon les preuves qui leur paraissent les plus convaincantes et en prenant en considération la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et le fait qu'ils vont être questionnés au sujet de leur fatwa au jour de la résurrection, donc ils font cet ijtihad-là avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils mettent par la suite leur verdict, hein, en accord par rapport aux preuves, hein, qu'ils ont et qu'ils ont trouvées les plus proches de la vérité. Donc, c'est pas par rapport à d'autres critères que ça. Donc, maintenant, le cheikh, il explique ça de cette façon-là. Maintenant, il mentionne des éléments à ce sujet-là. Et vous allez voir, parce que souvent, les hizbis ont souvent parlé de cette question-là, mais avec l'émotion. Parce que eux, c'est ça qu'ils utilisent. Ils utilisent les sentiments et les émotions par rapport à ça. Ah, les Américains, ah, les ci, ah, les ça, les koufars, et tout, mais c'est tout leur discours est basé sur l'émotion et les sentiments. Mais les questions qui ont rapport avec les preuves, les éléments qui ont rapport avec les preuves de la charia, les éléments qui ont rapport avec les paroles des ulama et des fuqaha sur ces questions-là, parce que sachez que la question de prendre l'aide des koufars, yani, pour défendre l'islam et les musulmans, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'histoire de l'islam. C'est pas quelque chose qui est arrivé pour la première fois au XXe siècle. C'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises, à différentes périodes de l'histoire de l'islam, dans différentes parties de l'empire islamique et avec différentes catégories de koufars et de mushrikines. Hein? Et donc, c'est pas la première fois. Il y en a eu en Espagne lorsque les musulmans étaient là-bas. Il y en a eu en Inde. Il y en a eu en Afrique. Il y en a eu partout des cas où les musulmans ont dû prendre l'aide des chrétiens ou des juifs ou des idolâtres, même parfois dans certaines situations, et de faire des alliances avec eux. Donc, c'est pas quelque chose qui arrivait pour la première fois, hein. Et regardez, par exemple, maintenant vous voyez que même ceux qui ont critiqué, par exemple, l'Arabie Saoudite de le faire, eh bien, eux-mêmes sont les premiers, hein, à prendre les Koufars pour alliés. Hein, les Ikhwan. Les Ikhwan, c'est les premiers à prendre les Américains et les autres comme alliés et pour alliés. Même dans les pays en Europe aujourd'hui, comment les associations des Ikhwan demandent l'aide des chrétiens, des juifs, des laïcs, hein, pour supporter leurs associations, supporter leurs activités. Ils vont même prendre même le support des politiciens koufars et leur demander de venir dans leur mosquée. Même dans les élections, ils rentrent avec eux, ils font des alliances avec eux dans leurs élections. Combien de choses ils font comme ça? Même je me rappelle une fois qu'il y avait eu aux États-Unis, lorsqu'il y avait, par exemple, la guerre en Bosnie, il y a un groupe des Ikhwan qui sont partis devant la Maison Blanche ou bien devant les Nations Unies pour demander aux Koufars de défendre les musulmans de la Bosnie. Donc ça fait pas partie de demander de l'aide aux Koufars contre les Koufars. Donc pourquoi c'est permis à certains mais c'est pas permis à d'autres? Il faut comprendre maintenant que ça c'est parce qu'ils le font pour des raisons politiques. Ils le font pour des raisons politiques et c'est pour ça qu'ils se le permettent à eux-mêmes et qu'ils veulent l'interdire à d'autres. Donc ça, c'est juste des exemples que je vous donne en passant comme ça parce que maintenant, on va rentrer dans la question d'un point de vue plus scientifique, plus islamique pour regarder et analyser vraiment les preuves, qu'est-ce que les savants ont dit à ce sujet-là dans les livres de fiqh et dans les livres de hadith et ainsi de suite. Puis, lorsqu'on va terminer ce livre, comme j'avais dit au début du cours, au début du livre, le premier cours, on a expliqué il y aura une deuxième partie à ce cours-là, et ce sera la partie où on va réfuter les choubouhats des hizbiyyin et leurs contradictions par rapport au principe de al-wala wal-bara pour montrer la réalité de leur manhaj, de ces gens-là qui critiquent les salafiyyin et les ulama d'Ahl Sunna pour montrer eux où est-ce qu'ils se tiennent réellement par rapport à Al-Wala Wal-Bara, alors qu'ils nous accusent, nous, de ne pas respecter Al-Wala Wal-Bara. On va montrer par la suite, à la fin, la réalité de ces gens-là et comment eux sont des gens qui sont totalement en opposition avec Al-Wala Wal-Bara et comment les gens d'Ahl Sunna Wal-Jama'a sont ceux qui réellement appliquent la vraie signification de Al-Wala Wal-Bara. Donc ça, on va en parler plus tard. Premièrement, pour commencer, Inch'Allah, on va lire la parole de l'imam Ibn al-Munzir. Il dit, « فَهَذَا ابْنُ الْمُنْزِرِ يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ الْأَوْسَطِ باب ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو ويختار عدم جواز الاستعانة بهم ثم يقول فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل وهم وهو أن يرضخ لهم شيئا إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم. Oui, c'est ça. Donc, le cheikh, il mentionne que l'imam Ibn al-Munzir, il dit dans son livre Al-Awsat, le volume 11, à la page 177, le chapitre où il mentionne la divergence au sujet du mushrik à qui on demande de l'aide contre l'ennemi. Et lui, il prend l'opinion, il choisit l'opinion que ce n'est pas permis de prendre leur aide ou de prendre l'aide du mouchrik. Puis il dit ensuite, puis si l'imam prend leur aide, c'est-à-dire le dirigeant, s'il prend leur aide, il leur donne moins que ce qui a été mentionné, c'est-à-dire il leur donne un peu, hein, un peu d'argent ou quelque chose, puisque on n'a pas trouvé de preuve qui nous oblige de leur donner une part du butin. Hein, qu'on leur donne une part du butin. Ça, c'est la fin de la citation. Donc là, c'est pour dire que ici, Ibn al-Munzir, il mentionne que il y a une divergence sur la question. Donc déjà, il y a la preuve qu'il y a une divergence sur la question. Et ensuite, il mentionne que lui, il est contre, c'est-à-dire il n'est pas d'accord avec l'opinion qu'on peut prendre l'aide des mouchriquins. Puis, tout de suite après, il dit, mais si le dirigeant prend leur aide, hein, il ne doit pas leur donner beaucoup. Hein, il ne doit pas leur donner beaucoup. Ça, c'est donc la preuve qu'il reconnaît qu'il peut y avoir une différente position de la part du dirigeant. Hein, et que c'est une autre position qui existe. قال سماحة الشيخ في مجموع فتاوى ومقالات ومما يجب التنبيه على أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي أو بعبد الله بن أريقط أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ولا متخذا لهم بطانة وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالة للنصارى وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه وأن ينزل الأدلة منازلها والله سبحانه هو الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه انتهى كلامه رحمه الله. Donc ça c'est une parole du Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz dans Majmou' Fatawa wa Maqalat, le volume 7 à la page 364. Cheikh Ibn Baz رحمه الله, il dit, et parmi les choses qu'il est important, qu'il est obligatoire de mentionner, il dit que certaines personnes peuvent penser que le fait de prendre de l'aide des gens du shirk, que ça fait partie ou que c'est considéré comme le fait de les prendre pour alliés ou de les aimer, hein, d'avoir de l'amour pour eux, hein, et de les prendre pour alliés ou des choses comme ça. Donc le cheikh il dit ce n'est pas le cas, hein, ce n'est pas le cas. Quand on dit de prendre pour alliés, c'est-à-dire de les aimer en Allah ou de les aimer dans la par rapport à la religion. Il dit non, ça ce n'est pas le cas. Le fait de les prendre pour aide et de leur demander de l'aide, c'est une chose, et le fait de les aimer, c'est autre chose. Hein? Et il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'aide de Al-Mut'am ibn Adi ou l'aide de Abdullah ibn Urayqit, Abdullah ibn Urayqit, si je ne me trompe pas, c'est l'homme qui avait servi de guide au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour traverser de Mecca jusqu'à Al-Madina lorsqu'il a fait la hijra. Donc, Abdullah ibn Urayqit, c'était le guide, qui était un mouchrik. C'était un mouchrik. Et le prophète sallam a malgré tout utilisé ses services pour traverser le désert, hein, pour traverser de Mecca jusqu'à Al-Madina. Ou bien, lorsque le prophète sallam a pris l'alliance ou l'aide des juifs de Khaybar, ça ne voulait pas dire qu'il a pris ces gens-là en allié dans le sens qu'il les aimait, hein, et qu'il a aimé les gens du shirk, hein, pour leur kufr ou leur shirk, des choses de ce genre, ni qu'il les a pris comme proches, amis ou conseillers ou des choses de ce genre. Et donc, il a fait seulement cela parce qu'il avait un besoin de ces kuffars et de ces mouchriquines, et il les a employés dans des choses qui venaient à aider et à un bienfait pour les musulmans et qui ne leur ramène pas du tort. Hein? Donc, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les muhajirines à Mecca, de Mecca vers l'Éthiopie. Hein? Et c'était pas pour prendre les chrétiens pour alliés ou de dire qu'ils aiment les chrétiens ou qu'ils acceptent leur croyance et leur religion ou des choses de ce genre. Il a fait ça uniquement pour un bienfait pour les musulmans et pour diminuer le mal qui était fait aux musulmans à l'époque. Et donc, il est obligatoire pour le musulman de faire la distinction et de distinguer entre ce que Allah a distingué et de ramener les preuves à leur niveau et de les employer là où ils vont réellement. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne le succès et qui guide. Et rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et il n'y a pas de Seigneur autre que lui. Donc ça, c'est une parole et une explication très claire de la part du Cheikh Ibn Baz et qui nous montre que la question de prendre les chrétiens ou les juifs ou les laïcs ou autres dans le fait de défendre les musulmans ou l'islam dans des situations de faiblesse des musulmans, lorsqu'on a un besoin et que ça ramène un bien plus grand pour les musulmans, parce qu'on est pris entre deux feux, hein? Quand on est pris entre deux feux, qu'est-ce qu'on fait? On prend le moindre des deux, hein? On va pas sauter dans le plus gros des deux feux, hein? Donc c'est pour dire, c'est ça l'exemple, pour comprendre la situation dans laquelle on est maintenant. Et malheureusement, les jeunes musulmans aujourd'hui qui sont influencés par les groupes de Khawarij ou les groupes de Ikhwan ou les groupes de Takfir ou les groupes de Qutbiyya ou les groupes de Sururiyya ou des choses de ce genre, eh bien ceux-là, ils utilisent ce genre de choses-là et ils mélangent les jeunes en leur faisant comprendre que le fait de prendre pour allié dans la défense des musulmans les juifs ou les chrétiens ou les autres koufars, mais pas dans la aqida, pas dans la croyance, mais seulement sur le plan militaire dans le but de protéger l'islam et les musulmans, que ça fait partie de qu'est-ce qui oppose al-wala ou al-bara, et ça c'est une fausse compréhension, et c'est une fausse conception, et c'est basé sur l'ignorance, hein, puisque les ulama, ils ont pas compris la situation et la question de cette manière-là, en se basant sur les émotions, et yani d'essayer de parler de l'affaire avec beaucoup de hamas, hein, d'excitation et des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit al khilaf fi isti'anati al muslimin bil kuffar fi al qital. Donc il mentionne la divergence yani entre les ulama, hein, la divergence qui existe entre les ulama au sujet de prendre les kuffar, que les musulmans prennent les koufars en aide dans le combat ou dans la guerre. Donc, la divergence qui a été mentionnée par les ulama à ce sujet-là. Le cheikh il dit « اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين في موطنين. الموطن الأول الاستعانة بهم على قتال أهل الحرب. فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية مشهورة في مذهبهم وهي رواية عن الإمام مالك إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة واشترط الشافعية والحنابلة أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم وزاد الشافعي أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة مع كون حكم الإسلام هو الغالب عليهم وتكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. نعم قال أبو يوسف وسألته أي أبا حنيفة عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب قال لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر الغالب لأن قتالهم بهذه الصفة لإعزاز الدين والاستعانة عليهم بأهل الشرك كالاستعانة بالكلاب. انتهى كلامه. أما المالكية فالرواية الأولى ما تقدم عن الإمام مالك بالجواز مطلقا والثانية المنع مطلقا ولكن يجوز أن يكونوا في خدمات الجيش والثالثة هي المعتمدة عندهم منع الاستعانة بالمشرك، لكن لا يمنع إذا خرج من تلقاء نفسه. نعم. Donc le chef il dit que la divergence des hommes de science, elle peut être mentionnée ou elle peut être citée en deux points de vue. Hein? La première divergence chez les fuqaha au sujet de la permission de prendre le kuffar ou autre que les musulmans pour les prendre pour nous aider hein, dans les combats ou dans les batailles, c'est la première position ou le premier point de vue, c'est lorsqu'on veut prendre l'aide des kuffars pour combattre les gens qui sont en guerre contre les musulmans. Hein? Donc le premier exemple c'est ça. Et les Hanafiya, les ulama du madhhab de Abu Hanifa, al-Hanafiya et al-Shafi'iya, ceux qui suivent le madhhab de al-Shafi'i et al-Hanabila, c'est-à-dire les savants qui suivent le madhhab al-Hanbali, dans une narration très connue dans leur madhhab, et c'est une narration qui vient de l'imam Malik. Ils ont dit que c'est quelque chose qui est permis de prendre l'aide des non-musulmans lorsqu'il y a un besoin de le faire. Et l'imam Shafi'i, il a mentionné comme condition, de même que les Hanabila, c'est-à-dire le madhhab Shafi'i et le madhhab al-Hanbali, ils ont mentionné comme condition que le dirigeant musulman ait reconnu chez ces non-musulmans-là une bonne opinion envers les musulmans et le fait qu'on soit en sécurité du fait qu'ils ne vont pas nous trahir. Et l'imam Shafi'i a rapporté, il a rajouté qu'il faut que ce soit un cas où les musulmans sont peu nombreux et que les mouchriquins sont plus nombreux ou sont très nombreux, tout en prenant dans une situation où que ce soit dans un cas où il faut que ce soit dans un cas où la décision sera aux musulmans ou à l'islam, hein, et que c'est eux qui auront les décisions au-dessus des autres. Et que c'est quelque chose qu'il dit ensuite, wa tukrahu al-isti'anatu bihim idha kana hukm ash-shirk huwa adh-dhahir. Donc si c'est les kuffars, les mushrikin, que ce sont eux qui vont prendre les décisions, dans ce cas-là c'est quelque chose qui est détestable. Dans ce cas-là c'est quelque chose qui est détestable de prendre leur aide dans ces situations-là. Maintenant Abu Yusuf, hein, un des ulama, si je me trompe pas, Abu Yusuf c'est un des élèves de Abu Hanifa. Il s'est mentionné dans Al-Mabsout, le volume 6 à la page 140. Il dit, on a demandé à Abu Hanifa au sujet des musulmans qui veulent prendre pour en aide les gens du shirk contre les gens qui sont en guerre contre les musulmans. Et l'imam Abu Hanifa a dit, il n'y a pas de mal à cela. L'imam Abu Hanifa a dit, il n'y a pas de mal à cela. Si le jugement appartient à l'islam et que ce sont les musulmans qui sont au-dessus et qui ont les décisions, il dit parce que de les combattre de cette manière-là, c'est quelque chose qui donne de la force à l'islam. Et le fait de prendre l'aide des koufars et des gens du shirk contre eux, c'est semblable à prendre l'aide des chiens, hein, à prendre l'aide des chiens, pour se défendre. Donc, dans ce cas-là, c'est permis. Ça, c'est la fin de la citation de l'imam Abu Hanifa. En ce qui concerne Al-Malikiya, il dit qu'il y a, une narration qui dit que, comme on l'a dit précédemment, que c'est permis de façon absolue. Donc, Al-Jawaz, la permission de le faire. La deuxième narration qui mentionne l'interdiction absolue, mais que c'est permis si c'est pour aider l'armée, ou pour servir l'armée. Puis la troisième position, la troisième opinion à ce sujet-là dans le Madhhab al-Maliki, et c'est la position qui est celle qui est retenue et qui est supportée dans ce Madhhab chez les Malikiyas, c'est que on ne doit pas prendre l'aide du mushrik, mais si le mushrik il veut de lui-même nous aider ou sortir avec nous, dans ce cas-là, on ne l'empêche pas. Dans ce cas-là, on ne l'empêche pas. Donc ça, c'est les différentes opinions qui ont été rapportées par rapport à cette question-là. Le deuxième point dont on va traiter, donc le premier point, c'était pour combattre les gens qui sont en guerre contre les musulmans. Le deuxième point, c'est « al-isti'anatu bihim ala qital al-burat », c'est-à-dire le fait de demander l'aide des non-musulmans pour combattre ceux qui transgressent contre le dirigeant musulman. Ceux parmi les musulmans qui transgressent contre le dirigeant musulman, parmi les musulmans. Hein? Donc ça, c'est le premier, c'était de combattre les koufars, de chercher l'aide des koufars pour combattre les koufars. Et là, maintenant, c'est de combattre de prendre l'aide des koufars pour combattre des musulmans qui transgressent contre les musulmans. Et il dit, le cheikh dit, فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم الاستعانة بالكفار في قتال البغاة. لأن القصد كفهم. لأن القصد كفهم. أو كفهم. والكفار لا يقصدون إلا قتلهم. فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم جاز. بشرط القدرة على كف المستعان بهم عن قتلهم وأجاز الحنفية الاستعانة بهم على قتال البغاة ولو لم تكن هناك حاجة بشرط أن يكون حكم أهل العدل هو الظاهر لأن أهل العدل يقاتلون لإعزاز الدين والاستعانة على البغاة بهم كالاستعانة عليهم بأدوات القتال. Donc, le cheikh, il mentionne maintenant le verdict des ulama à ce sujet-là. Ça, c'est le deuxième cas. C'est le cas où on cherche, où on demande, où on prend l'aide, on demande l'aide des koufars contre des musulmans qui transgressent contre les musulmans, ou contre le dirigeant des musulmans. Donc, les malikiyas et les shafi'iyas et les hanabilas, ils ont dit qu'il n'était pas permis. Ils ont dit que c'était haram de prendre l'aide des koufars pour combattre les transgresseurs parmi les musulmans. Il dit parce que l'objectif de les combattre, ce groupe-là de transgresseurs, c'est de les faire cesser de transgresser. Mais les koufars, eux, quand ils vont les combattre, c'est uniquement pour les tuer. Donc, ils ont dit que s'il y a un besoin de prendre l'aide des koufars contre les musulmans qui ont transgressé, il dit que c'est permis. Mais à condition que les musulmans aient la capacité d'arrêter, de stopper ceux à qui ils ont demandé l'aide parmi les koufars contre les musulmans, de les arrêter de les tuer. Donc si les musulmans qui demandent l'aide de ces non-musulmans pour combattre les transgresseurs sont capables de les arrêter de tuer les musulmans, alors dans ce cas-là, il est permis pour eux de prendre l'aide des non-musulmans dans des cas comme ça. Et même que Al-Hanafiya, les ulama du Madhab Al-Hanafi, ils ont permis de prendre l'aide des koufars contre les transgresseurs parmi les musulmans, même s'il n'y a pas un besoin de le faire, à condition que ceux qui soient en charge et qui décident et qui prennent des décisions soit les gens de la justice et que ce soit eux qui aient la main haute ou la position de décision dans le combat. Parce que les gens de la vérité, les gens de la justice, pardon, ils vont combattre toujours pour faire en sorte que la religion soit au-dessus, soit plus forte. Et le fait de prendre l'aide des koufars contre les transgresseurs, eh bien, c'est comparable à utiliser ou à chercher l'aide des armes, hein, contre un ennemi. Donc, il compare le fait d'utiliser des kuffars dans le combat des transgresseurs à l'utilisation des armes et les instruments de combat. Donc, ça, c'est pour montrer qu'il y a des divergences d'opinion entre les ulama des madahib, que ce soit le madhab al-Hanafi, ou al-Shafi'i, ou al-Maliki, ou al-Hanbali, déjà depuis des siècles. C'est pas maintenant que la divergence est apparue. C'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui existe. Cette divergence-là, elle est connue chez les ulama dans les livres de fiqh, hein. Et donc, il faut pas s'étonner de ça. Et non. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le coup prochain, on va rentrer dans les preuves des deux points, des deux positions. Ceux qui disent que c'est permis, ceux qui disent que c'est interdit, ceux qui disent que c'est permis. On va mentionner les preuves des textes qu'ils ont ramenés, les deux, et on va analyser par la suite pour comparer entre les deux qui a ramené les preuves et qui a raison dans cette question-là. Ceux qui disent que c'est interdit ou que c'est permis, et ils prennent aussi en considération, bien entendu, le fait qu'on dise que ce soit un besoin, hein, et on n'a même pas mentionné le cas de la nécessité encore. On a seulement mentionné la question d'avoir besoin. Et on sait que le besoin, c'est moins grave que la nécessité. La nécessité rend halal ce qui est haram. La nécessité dans l'islam rend halal ce qui est haram. Et là, on n'a même pas encore établi que c'était haram. Hein? On a parlé d'un besoin. Donc, si il y a un besoin, que c'est permis de le faire. Donc là, il faut prendre tout ça en considération. Hein? Donc, vous voyez que les gens qui parlent de ces questions-là avec émotion, qui ne retournent pas aux paroles des ulama, qui ne retournent pas aux preuves, que ces gens-là, hein, ils sont loin dans le sujet et ils n'ont pas vraiment aucune connaissance de la réalité de ce sujet-là. Hein, ils n'en parlent qu'avec leur passion. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on se retrouvera la semaine prochaine, samedi prochain, pour continuer. Et demain, Inch'Allah, c'est dimanche, on commence le premier cours de l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on va expliquer ensemble. Donc, on va lire ensemble, puis on va expliquer ce livre-là demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته